La Corée a mis au point ces derniers jours la gymnastique rythmique pour basketballeurs qui est très appréciée par les joueurs, entraîneurs, futurs basketballeurs et amateurs du pays. Composée des mouvements de déplacement, de changements de direction et de variantes techniques d'attaque et de défense, beaucoup utilisées dans les matchs, la gymnastique rythmique, gaie et dynamique, est un ensemble de la musique nationale et moderne. Après la création en 82 du JT 1993 de la gymnastique rythmique de masse, la Corée a mis au point les gymnastiques rythmiques pour enfants et personnes âgées. Ces derniers jours, elle a mis au monde les gymnastiques rythmiques par discipline de sport.